insiste. Tu t'entêtes, je suis au sol. Tu répètes, j'avais déjà compris. À ta tête, peux-tu me laisser seul? Je t'en prie, je ne veux pas que tu vois quand mes yeux crient. Je ne veux pas que tu vois comme tu crois que tu seras heureuse que je plie. C'était de la folie. Quand y en a un qui détruit, un qui remplit, un qui tue quand l'autre survit. Les coups de blindés qui mordent, je rougis. J'y ai laissé ma joie, mon innocence, tout ce qui en moi faisait sens. Si j'avais un briquet, un bidon d'essence, je t'aurais brûlé jusqu'au centre. C'est bon, j'ai digéré, c'est fini. Tu peux t'en aller loin, partir. Je ne vais pas te regretter, c'est ainsi. Tu peux croire le contraire, c'est permis.